بسك شايف شايفة؟ Suck. Je vais faire la fin. C'est le grand patron que j'arrive pas à prononcer, Malmsteen. Ouais, c'est le grand patron. Je l'ai bien massacré, s'il est là, là, il va me tuer. Bah, je fais ce que je peux, moi. Opus, c'est ça? Non, Amber Doe. Attends, je t'ai écrit. Putain, je vais me faire flinguer par Milos hein, si je massacre le... Déjà, j'ai massacré le morceau. C'est ça, Amber Doe. C'est vrai que c'est beau, hein, putain. Bon, normalement, faut pas jouer, faut l'écouter. Ça, tu dois le savoir le faire, toi. File. Attends. Je sais pas comment on fait pour caler. Ça se décale. Attends. J'ai perdu la touche. Ah, ça y est, j'avais perdu la touche play.